Maintenant, vous le savez, que le maire de Saguenay, lui, fait sa prière avec son conseil municipal à chaque fois que le conseil siège et qu'il y a une bataille, justement, juridique concernant la prière. Il est avec nous ce matin. Monsieur Tremblay, bonjour. Oui, bonjour. Alors, la charte, si j'ai bien compris, fera en sorte que vous auriez pas le droit, là, de faire votre prière avant le début de la séance du conseil. Il n'y a pas juste la prière. La prière, là, ça s'arrêtait là. Si on en disait, c'est la prière. On arrête, après ça, c'est terminé. Mais c'est pas ça qui me choque ce matin, moi. C'est de voir que nous, les mous canadiens-français, on va se faire dicter comment se comporter, comment respecter notre culture par une personne qui arrive d'Algérie. On n'est même pas capable de prononcer son nom. Hey, oh, Madame Benhabib? Ben, monsieur, Madame Benhabib arrive d'Algérie. Hey, d'abord, elle est candidate, donc elle est citoyenne. Deuxièmement, elle arrive pas, comme vous dites, d'Algérie, ça fait un certain temps. Ça est arrivé vers 2000. Ben non, mais on est en 2012. Oui, mais quand même, notre culture du Québec, nous autres, là, notre drapeau du Québec, sais-tu que la croix qu'il y a sur le drapeau du Québec, c'est la croix chrétienne qu'il y a là-dessus? Mais M. Tremblay, c'est quoi le rapport avec le drapeau? Elle ne vous empêche pas d'avoir le drapeau à l'hôtel de ville? Ben, eux autres, vous n'avez pas compris le système. Eux autres sont après gruger tranquillement, avec un beau langage, tout tranquillement. On commence la prière à l'hôtel de ville. Il y a la moitié des villes, il y a 400 villes qui récitent la prière. On va interdire à ces gens-là de réciter la prière. Après ça, on va enlever des objets religieux. Alors, c'est le tribunal qui me l'a dit, enlever des objets religieux. Après ça, on va aller des croix dans des villes. Après ça, on va aller dans des écoles. Ils vont faire disparaître la religion et notre culture de partout. Vous vous rendez pas compte de ça? Puis quand vous dites, Monsieur Arcan, là, que la religion, ça se fait chez nous. Je vous écoute souvent dire ça. C'est pas faux. C'est trop facile à dire ce que vous dites là. Mais la religion, c'est une affaire personnelle. La religion, c'est une affaire personnelle. Ben oui, mais c'est sûr. Mais c'est tellement facile. Une affaire personnelle. Ben oui. Mais les églises, c'est-tu personnel, ça? Hein? Tu peux-tu, ce que tu penses personnellement, là, l'oublier quand tu exerces une fonction? Vous, quand vous êtes animateur de radio, vos convictions personnelles, pouvez-vous les mettre de côté d'une façon totale? Mais monsieur, impossible. Si j'étais un catholique pratiquant comme vous, je ferais pas ma prière avant de commencer l'émission en ondes. Non, c'est vrai. Bon, mais parce que c'est personnel. Moi, monsieur Arcan, je vais vous expliquer, c'est pas moi qui ai introduit ça à prière. Je n'ai fait que continuer la tradition qui existait dans presque toutes les villes. J'ai jamais, puis je l'ai pas rallongé non plus. J'ai rien fait de ça, là. Faut bien comprendre ça, là. Alors, c'est pas moi qui ai introduit. C'est pas rallongé, mais ce que je vous dis, pourquoi vous faites pas un moment de recueillement? Mettons, je serais conseiller municipal chez vous, puis que moi, un moment de recueillement, monsieur, c'est vide. Comme ben, c'est pas vide. Prier. Introduire ici. C'est ben non, mais vide. Prier, je vous empêche pas de prier, mais je suis pas obligé de prier, moi. Là, c'est pas moi qui ai introduit. C'est pas moi qui est arrivé ici, puis dit, on va faire ça publiquement. On va mettre des croix publiquement. J'ai rien fait de ça. Moi, j'ai fait ce que les conseils précédents faisaient. Ce que le conseil unanimement désirait faire, comme dans 400 villes au Québec, et il arrive des gens de l'extérieur, parce que quand on fouille... Mais Mme Marois n'est pas de l'extérieur? Mme Marois l'a pas interdit tant que ça jusqu'à maintenant. Elle commence à en parler. Mme Marois a dit hier que le crucifix resterait à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas pourquoi vous êtes sur les nerfs comme ça. Moi, ce qui me choque ce matin, c'est pas Mme Marois. C'est de voir qu'une personne qui arrive de l'extérieur, comme celle que vous venez d'interroger, je ne sais pas son nom, je ne suis pas capable de le dire. Mme Benhabib. Benhabib, bon, que de voir que cette madame-là, c'est elle qui va établir les règles et que nous, les mous de Canadiens français, qui sont pas capables de dire, on se tient debout, nous aussi, on a une culture. Hey, Monsieur Tremblay, franchement, là, j'ai la misère à vous suivre à matin, là, parce que Madame Benhabib, c'est pas elle, comme vous dites, qui va établir ça. Elle est candidate comme les autres. Oui. Elle avait écouté parler. Mais certainement. On a fait ci, on a fait ça, on va faire ci, on va faire ça. Comme tous les candidats dans une élection disent quand ils font. Il y a juste elle qui prend ça à cœur de même. J'entends mes auditeurs dire, coudon, êtes-vous xénophobe, raciste? Vous avez des problèmes parce que quelqu'un qui arrive de l'extérieur se présente aux élections au Québec? Non, pas du tout, là. Et pourquoi faites allusion au fait qu'elle vient de l'étranger? Je n'aime pas que ces gens-là arrivent ici puis nous établissent leurs règles. Qu'on aille toucher à leurs règles. Elle est de quelle religion, elle? On ne sait pas. Qu'on aille toucher à leurs règles pour le fun, voir. Allez toucher aux règles. Est-ce que vous savez, mais je pense que vous la connaissez pas parce qu'elle a écrit deux livres, entre autres. Monsieur, je le sais très bien. Ma vie à contre-courant et les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident pour dénoncer les intégristes, justement, qui veulent imposer leur culture religieuse quand ils débarquent quelque part. Elle est pas tout à fait dans Al-Qaïda, là. Non, j'ai pas dit ça non plus, là. Enfin, je suis loin d'avoir dit ça. Non, mais elle n'est pas une extrémiste. C'est tellement évident, Al-Qaïda. C'est tellement évident, ces choses-là. Je sais, c'est ça. Non, mais c'est pas une intégriste, là. J'ai pas dit ça. Ben, vous dites que c'est quelqu'un de l'étranger qui veut nous imposer ses affaires. Ben, vous l'avez vu écouté parler? Ben oui, je l'écoute certain, comme je vous écoute. Ben, c'est ça, là. On va arriver, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci. Alors, c'est facile à voir. On a déjà fait ça. On a enlevé dans les écoles. Voici quelles vont être les règles. C'est elle qui va arriver ici et qui va établir des règles. Oh, bon. Puis nous autres, moi, je sais ce qui va arriver. Moi, là, je connais, je les vois aller, là. Il va arriver au Parlement. Le Parlement, là, ça applaudit, ça. Je les vois faire, là. Les fois qu'il y en a un qui se lève, là, ils ont tellement peur de l'affronter. Mais le crucifix va rester à l'Assemblée nationale, ça va être correct pour vous, ça? C'est pas juste ça. Non, je dis pas que c'est juste ça, mais c'est quand même un symbole important. Oui, mais elle dit du bout des lèvres, là, parce qu'on voit qu'elle s'est fait avertir. C'est pas ça qu'elle a dit hier dans les journaux. Non, mais ça, faut... Je suis tremblé, vous devriez savoir ce qu'on dit dans les journaux, puis des fois, ce qu'on dit dans la vraie vie, ça peut être deux choses. Ça peut être deux choses, mais habituellement, ça reflète pas mal la vérité, ce qu'on dit. Merci, M. Tremblay. Merci. Au revoir. Jean Tremblay est le maire de Saguenay. Il est 7h43.